Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dédiée au bien-être. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors Stéphane, vous êtes expert en motivation, bien-être et performance humaine en entreprise. Nous allons plus précisément voir avec vous comment gérer le manque de bien-être au quotidien et bien sûr aborder les clés, donc comment aller vers ce bien-être. Alors première question, tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par bien-être? Y a-t-il une définition propre? Alors, le bien-être est une satisfaction qui est purement personnelle, et l'appréciation est personnelle, bien sûr, mais c'est surtout lié au sentiment d'être en phase avec soi-même et d'être en capacité de répondre à ses propres besoins physiques, psychiques, et donc d'un état d'équilibre qui se repose sur un état d'équilibre matériel satisfaisant, notamment avoir un toit, un travail, un salaire, une famille, un couple, des amis, des activités, bien sûr, et également avoir une santé physique et psychique. Ça, c'est la base quand même. Merci Stéphane. Mais alors Stéphane, comment savons-nous que nous sommes en situation de mal-être et qu'il nous faut agir? Nul besoin de s'interroger sans s'étendre. Le non-bien-être ou le mal-être se ressent sans une analyse profonde de la situation. Certains individus l'éprouvent dès le matin en se levant, en ayant le sentiment de ne pas être réellement à leur place, en étant peut-être stressé, en étant anxieux, en se posant mille questions et souvent sans avoir les réponses, hein, ça chahute dans la tête, ou encore en vivant des moments sans être présent, et ça c'est peut-être le pire. Et là oui, il faut agir, se poser les questions et il faut agir urgemment. Alors effectivement, il faut agir et nous reviendrons sur ce point-là un petit peu plus tard dans l'entrevue. Avant cela, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences d'un manque de bien-être? Alors les conséquences ne sont pas mortelles, néanmoins le bien-être est le reflet d'une existence réussie et épanouie, et à l'inverse, pour avoir le sentiment de vivre une vie satisfaisante et épanouie, il est bien de s'appliquer sur cette notion de bien-être. Et en bon coach que j'espère être, je vais vous répondre d'une façon résolument positive et vous dire les bienfaits du bien-être. Le bien-être découle d'une santé mentale équilibrée, ça on l'a vu, d'une bonne santé physique et inversement, car il s'agit d'un cercle vertueux. Et nous pouvons encore aller plus loin avec notamment le comportement. Plus nous sommes dans le bien-être, plus nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde qui nous entoure est facile, fluide, agréable, et plus en retour, nous récupérons de la bienveillance et donc du bien-être. Mais alors Stéphane, le bien-être est-il accessible à tout le monde? Le bien-être est accessible à tout un chacun, quel que soit son âge et son passé. Et là, nous touchons à une notion très délicate, qui est la notion de la résilience pour les gens qui auraient un passé un peu douloureux, ce qui fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Cela étant, le bien-être est plus facilement accessible aux personnes qui sont en bonne santé, en tout cas qui ont une santé toute relative et un équilibre psychique relativement bon, on va dire. Alors c'est donc une bonne nouvelle, parce que même si on a l'impression voilà, de ne jamais y arriver, le bonheur reste accessible, il n'est pas loin en tous les cas. Après, notre mode de vie n'est pas toujours simple, on se crée même parfois quelques petits ennuis. Alors quels sont les principaux freins au bien-être liés à notre mode de vie moderne, justement? Les principaux freins à l'accession au bien-être sont les conséquences directes de notre type de vie occidental, notre rythme de vie et le stress qu'ils engendrent, mais également nos choix, nos comportements, le fait d'être très orienté à voir, pensant que posséder des biens comme une grosse maison, avoir une grosse voiture, de beaux bijoux apporte du bien-être, plutôt que de s'attacher à être, à bien vivre, au sens de profiter des choses et des gens qui nous entourent, trouble notre équilibre, crée du stress et nous éloigne du bien-être. Alors, on vient donc de parler des principaux freins, notamment avec cette notion de être et avoir. Quelles sont en revanche les clés principales pour accéder au bien-être? Pour gagner en bien-être, il s'agit d'abord de s'éloigner des situations et des individus toxiques et favoriser, à l'opposé, le contact avec des endroits sains, des personnes apaisées et, si possible, apaisantes. Ensuite, il s'agit de prendre soin de son corps. Ça, vous remarquerez qu'on y revient régulièrement et dans toutes les vidéos qu'on a déjà faites, on revient toujours sur le soin du corps. Alors, c'est un point majeur aussi dans la quête du bien-être. Cela passe, alors je répète ce qu'on a déjà dit, mais par une bonne hygiène de vie, un sommeil correct en quantité, en qualité, une alimentation correcte, variée et régulière, une activité physique ou sportive régulière. Je rappelle, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise 6000 pas par jour ou une trentaine de minutes d'activité physique par jour au minimum pour rester en bonne santé. Et bien sûr, prendre soin de sa tête avec notamment la prise de plaisir, mais ça en général, l'humain sait bien faire, mais je tiens quand même à le rappeler, notamment à travers des activités et des passions qui vous apportent une grande satisfaction, comme par exemple les socio-plaisirs, basiquement être entre amis, en famille, en tout cas avec les siens, les psychoplaisirs comme le cinéma, la lecture, la musique, tout ce qui tourne autour de la culture, la méditation, et les physico-plaisirs, le sport, la relaxation, le massage et faire l'amour, à ne pas négliger. Alors, pour reprendre donc de l'amour pour soi en prenant soin de soi et puis de l'amour pour les autres, voilà, donc pour les petites clés, le bien-être peut-il s'acquérir rapidement ou cela demande-t-il de la patience? La réponse est dans la question. Comme tout développement de compétences personnelles, il faut bien sûr y travailler un peu tous les jours et sans relâche en utilisant notre fameuse méthode des petits pas et s'armer de patience car le chemin est plus ou moins long en fonction de votre point de départ, bien sûr. Et il va sans dire que le bien-être s'entretient tous les jours une fois qu'on l'a, si on a le sentiment de l'avoir, et durant toute la vie, c'est un peu comme l'amour dans un couple, ça s'entretient. Merci. Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quelle est donc notre responsabilité quant à l'accession au bien-être? Nous avons donc une grande responsabilité quant à notre bien-être, et ce très tôt dans notre existence, notamment dans les choix que nous faisons, car pour trouver le bien-être, il est question de se réaliser dans la vie. Et cela passe par exemple par notre travail, le fameux travail. Est-il intéressant? Ce travail est-il épanouissant? Ce travail permet-il de me réaliser? Plein de bonnes questions. Cela passe également par des activités extra-professionnelles. Bon, là, en général, on arrive à trouver des choses qui nous plaisent, mais en tout cas, on peut se poser quand même la question, sont-elles intéressantes? Sont-elles épanouissantes? Est-ce que je suis au contact d'humains? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Quels sont les retours que j'en ai et qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Comme par exemple être acteur dans une association, faire du sport, de la danse, de la chanson. Si les réponses à toutes ces questions sont positives, il est fort à parier que le bien-être n'est pas très loin. Alors, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et puis, bien sûr, il y a toujours cette notion de travail que l'on subit parfois. Ce qui m'amène à la question suivante. Quoi faire pour gagner en bien-être? Alors, je vais vous faire une liste plus ou moins longue à l'après-vert qui va commencer comme ça. Avoir son libre arbitre, ne pas dépendre systématiquement des autres, ça c'est très important, être en capacité de décider quant à la conduite de sa vie qui est prépondérant pour être dans cette notion de bien-être. Être en phase avec ses propres valeurs, ça c'est pas forcément évident parce que ça demande un travail de recherche sur soi assez important. Dans le respect de l'écologie du système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la famille, le couple, le travail, la société. Avoir une bonne estime de soi, ça on en avait parlé au moment de la confiance en soi, et ça va de pair, avoir une bonne confiance en soi, ça c'est très important, populairement on va dire être bien dans ses baskets, bien avec soi-même. Être en capacité de s'affirmer dans tous les domaines de vie, en exprimant ses besoins, ses ressentis, ses limites. Très important. Si on n'est pas en capacité d'exprimer ses limites, on aura du mal à être vraiment bien là où on est, bien avec soi-même. Ne pas se laisser gagner par le stress, ça c'est pas évident, facile à dire mais pas évident à mettre en place. On en a parlé longuement la dernière fois dans notre précédente vidéo. Ne pas procrastiner. La procrastination, c'est le fait de laisser le courrier mourir dans un coin, ne pas changer l'ampoule du garage qui est cassée depuis 6 mois, etc. Tous ces petits détails-là, tâchez de les éliminer en luttant contre la procrastination. Vivre l'instant présent, être en pleine conscience, être avec les gens, être dans la situation dans laquelle on vit, s'extraire des pensées qui ont trait au passé et ne pas trop se projeter dans l'avenir. Soyez à ce que vous faites, donc soyez en pleine conscience et avec les gens qui vous entourent. Voilà pour la liste qui pourrait être encore bien plus longue, mais je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. On a déjà pas mal de clés, merci beaucoup. Et enfin, dernière question pour notre trousse en cas d'urgence. Là, tout d'un coup, j'ai un sentiment de mal-être. Y a-t-il un exercice que je peux pratiquer? Il y a une réelle interaction entre le physique et le mental. Hein. On l'avait vu aussi quand on avait parlé du stress. Le corps fonctionne bien, sera en capacité d'envoyer des bons signaux au cerveau. Un mental qui se sent bien aidera le corps à bien aller, notre responsabilité, et donc dans notre état d'esprit, de ce que nous voulons bien avoir. Je m'explique, c'est un choix. Un exemple, un jour de pluie. Émilie, vous vous dites quoi? Vous ouvrez les volets, il pleut, vous vous dites quoi? Je vais aller courir. Bon, d'accord. Ça, c'est une position résolument positive et c'est bien. Parce que en réalité... Mais en vrai, c'est là, actuellement, il pleut et je me dis, ah, c'est pas de chance quand même. Bon, alors, vous avez deux choix. Hein. Vous avez le choix d'être négative en vous disant, ah, il fait moche, quelle journée de M. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous dire, il pleut, ce n'est pas grave, cela donne à boire à la nature et il fera certainement beau demain. Le bon état d'esprit produira un état positif sur notre mental, qui aura des conséquences positives sur notre corps, et du coup, peut-être qu'un sentiment de bien-être peut apparaître. Merci beaucoup Stéphane. En effet, donc positiver, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, il y a toujours quelque chose à en tirer. C'est une des clés. Merci. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Masson pour toutes ces clés. Et si bien sûr vous n'arrivez pas à trouver ce sentiment, cette notion de bien-être, je me permets de rappeler que vous proposez des consultations en privé, Stéphane Masson, que ce soit en face à face ou bien à distance par tous les moyens qui sont mis à notre disposition, comme WhatsApp, Skype et autres. On trouve toutes ces informations-là et dans le descriptif de cette vidéo, mais également sur votre site internet. Stéphane, pouvez-vous nous rappeler l'adresse de votre site? coach-plus.fr. Voilà, ainsi vous retrouverez toutes les informations. Je vous recommande également de suivre le compte Instagram donc de Stéphane, stéphane.masson.coach. C'est bien cela? Basiquement, oui, et simplement, oui. Voilà, donc vous dispensez plein de bons conseils justement pour accéder au Graal, à ce bien-être au quotidien. Merci beaucoup Stéphane pour cette entrevue. C'est moi, merci Mélie. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt, au revoir.